Dossier 7. Leçon 3. À chacun son cadeau. Activité 7. 1. Félicitations, Mathieu, pour ton diplôme d'architecte. Merci, papa. Je suis content, tu sais. Oui, moi aussi. C'est vraiment une bonne nouvelle. Et je t'ai réservé une petite surprise. Tiens. Un billet d'avion pour... New York ? Comme ça, tu pourras aller voir ta sœur là-bas. Oh, c'est vraiment super. Merci, papa. Merci. Deux. Voilà, madame, c'est de la part de tous les étudiants. On vous remercie pour la qualité de vos cours. Oh, les belles roses. Vous êtes adorables. Je suis vraiment touchée. Bonne fête, maman. Tiens, c'est pour toi. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, un chèque culture pour une sortie au théâtre? C'est une très bonne idée. Et comme ça, tu pourras choisir la pièce que tu préfères. Ah, oui, c'est bien. Merci. Vraiment, ça me fait très plaisir. 4. Ouvre les yeux maintenant. Regarde, c'est pour toi. Oh, une bague. Elle est splendide. Oh, merci, merci. Rien n'est trop beau pour ma future femme. 5. 1, 2, 3. Bon anniversaire, Carole. Tiens, c'est un cadeau de nous tous. Oh, un sac de voyage et en cuir. Quel magnifique cadeau, c'est trop. 6. Monsieur Legrand, nous allons vraiment vous regretter. Alors au nom de tous les collègues, je voudrais vous remettre ce cadeau d'adieu. Oh, un vélo! Ça, c'est une surprise. Écoutez, je ne sais pas comment vous remercier, mes chers amis.